I'm Pain. Pain. Pain. It's alive! Lorsque nous écoutons les actualités au quotidien, il est assez simple de se rendre compte que la race humaine n'a que pour seul but d'acquérir ce qui ne lui appartient pas, par tous les moyens et à n'importe quel prix. Ce qui n'est rien pour se réjouir, et croyez-moi, je ne crois pas que les choses iront en s'améliorant, et ne semble pas y avoir de solutions viables, ou du moins qui font l'unanimité. Mais moi, votre bon docteur qui a tellement à cœur votre bien-être, j'ai la solution. Si vous écoutez les séries télévisées et les productions cinématographiques qui se consacrent aux zombies, vous avez été à même de constater que jamais les morts-vivants ne s'en prennent à leurs congénères. Jamais ils ne s'agressent et encore moins ne se font la guerre. Ils cohabitent en toute quiétude et harmonie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un seul et même but commun, la base, se nourrir uniquement. Donc, je vous propose tous de joindre mon grand rêve qui est de tous vous transformer en zombies. Et des conflits, il n'y en aura plus. Du moins, tant aussi longtemps que le garde-manger sera plein. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsqu'il s'improvise médecin sans frontières et sans scrupules. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go. We'll be right back.

tiré de Metal Inquisition. Ce qu'il faut savoir avec Pile Driver, c'est que c'est une formation qui tourne autour du personnage de Pile Driver, bien sûr, qui est nul autre que Gord Kishner, formation qui vient de l'Ontario et qui n'a en fait jusqu'à cette date, aujourd'hui même, deux albums, le dernier étant paru pardon en 1986, qui est Stay Ugly. Mais la formation serait, semble-t-il, encore active, quoi qu'il y aurait probablement une possibilité de marcher sous un autre nom, bref, c'est à suivre. Mais ce qui est certain, c'est que Pile Driver n'entre pas en studio, n'entre plus en studio depuis bien longtemps. Mais cet album, Metal Inquisition, qui lui est paru en 1984, est excellent. Vous avez ma formation Slayer, qui est, en fait, la pièce Gemini qui clôt l'album Anti-Spirit Attitude qui est paru en 1996 est aussi la seule pièce originale de cet album, puisqu'on le sait, sur Anti-Spirit Attitude, ce ne sont que des reprises principalement de formations punk. Et nous avons ouvert avec, est-il besoin de les présenter, Monsieur Ozzy Osbourne et la pièce Thunder Underground. C'est tiré de l'album Osmosis qui est paru en 95 sous étiquette Epic. Je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai annoncé aussi sur le site de réanimation AD.com. Ce soir, j'ai un spécial Fear Factory pour vous. Et en fait, je dois vous le dire, non pas officieusement, mais bien officiellement, d'ici la pause de la période des fêtes, il y aura des spéciaux à toutes les émissions de réanimation. Donc, je suis dans un mode spécial. Je m'attaque, c'est un grand terme. Je m'attarde plutôt à une formation. Généralement, des formations que j'aime autant que peut se faire. Et puis, je présente généralement ou difficilement l'ensemble de la discographie, mais je dirais que je vais rechercher quand même certains highlights là, au niveau de ce qui a été sorti et enregistré par ces formations. Je dis que Réanimation fera des spéciaux à tous les éditions d'ici la période des fêtes. Il faut savoir que d'ici justement cette période des fêtes-là, il en reste pas tant que ça des émissions là. Il va en rester en excluant celle de ce soir. Je dirais 3 et peut-être 4, c'est à voir. Donc ben, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, bien entendu. Fear Factory, qui est mon spécial de ce soir. Formation américaine qui existe depuis 1990, formation originaire de Californie, qui a été l'une des formations les plus, je dirais, en vue, pour ne pas dire peut-être la plus active au niveau du métal, entre guillemets, cybernétique, industriel, technologique. En fait, ils sont arrivés avec beaucoup d'influence, faut le dire, à partir d'un album en particulier qui est plutôt des Manufacturers, puisque sur le New Machine, le premier de 92, était beaucoup plus traditionnellement death metal. Avec The Manufacturer qui est paru en 95, si je ne m'abuse, oui, voilà, c'est ça. Ils sont arrivés avec un métal un peu plus, je dirais, machine, entre guillemets, encore une fois, parce qu'ils utilisent certains samplings, mais il reste que la formation est une formation très traditionnelle avec bass, guitare, drum et vocal, donc ce ne sont que des ajouts, bien entendu. J'ai eu le plaisir de voir Fear Factory une seule fois en spectacle. Ils n'étaient pas en tête d'affiche, bien sûr, c'était lors d'un festival au EV Montreal. J'ai été très surpris de la présence de Dino Cazares, le guitariste original, qui est toujours présent aujourd'hui, qui, malgré sa corpulence, ma foi, je dirais, non pas titanesque, mais quand même assez prédominante, bouge beaucoup, beaucoup. Et Burton Seabell, au vocal, donne quand même une bonne prestation au niveau du visuel, quoique étant par moments quelque peu statique, mais il a une bonne voix même en spectacle. Donc, toujours est-il que je vous propose aujourd'hui, dans un premier volet, parce que comme je l'ai fait depuis les dernières semaines, les spéciaux sont présentés en deux parties. La première partie s'attaquera de 1995 à 2005. Vous entendrez des pièces respectivement tirées de The Manufacturer, dont je viens parler, qui est le deuxième album, Obsolete, Archetypes et Transgression. Et tout de suite, nous débutons le tout avec une excellente pièce de ce deuxième album, paru en 1995, Self-Bias Resistor. Vous êtes sur les ondes de Réanimation. programmation assez fou et je vous accompagnerai encore métalliquement jusqu'à 21h. Stay tuned. Go! Resistance, resistance, you are a resistance, but 89.1. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Vendredi 27 novembre 21h30. Votre café bar de Zénob reçoit la talentueuse Rosie Vallant. En première partie, No Man Band. Pour une soirée pop, franco, indie, soyez avec nous au Zénob pour le spectacle de Rosie Vallant ce vendredi 27 novembre 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 89. h 57, juste avant la pause publicitaire, on a entendu ce premier cette première partie, devrais-je dire, de ce spécial Fear Factory. On entend la pièce Contagion qui est tirée de Transgression, le septième album paru de la formation en 2005 sur Trillion. Nous avions Archetype, la pièce titre de cet album qui était le sixième paru en 2004 sur Liquid Hate. Shock, c'était tiré du troisième album Obsolete, paru en 98. Nous avons ouvert avec The Manufacturer. Self-Bias Resistor, tiré de The Manufacturer, qui lui était le deuxième album, paru en 95. Et c'est avec cet album que j'avais connu Fear Factory. J'avais été très emballé. Et aujourd'hui, j'aime toujours autant cette formation. On va aller faire un petit tour côté cinéma. Juste pour... Parce qu'il faut le faire, j'imagine. Ben non, pas du tout. Parce que ça me fait plaisir de le faire. Jeudi le 26, pour les amateurs dont je suis, du célèbre docteur Victor Frankenstein, eh bien, le film mettant en vedette... ce que je dois dire avec ça, c'est que j'ai été très surpris de voir Daniel Radcliffe en autre chose que Harry Potter faire des trucs intéressants. Il a fait vraiment un excellent film quand il a fait donc j'oublie le titre, je vais aller le rechercher. Un film de Hammer, un film de hantise qui était vraiment, vraiment très, très bon. Je vais chercher plus tard. Mais ce jeudi, le 26, c'est la sortie du film Victor Frankenstein qui met en vedette Daniel Radcliffe, qui semble être un film très gothique, bien entendu, mais qui devrait peut-être nous amener une nouvelle, je dirais, vision ou rafraîchie de l'histoire de Victor Frankenstein. Ça risque d'être fort intéressant. Alors, ben, du moins, je l'espère. Dans ce que j'ai regardé depuis la dernière édition de l'animation, soit mardi dernier, mais je vous parle du film Pay the Ghost, qui est un film d'horreur, oui, mais plus fantastique que horreur, qui met en vedette Nicolas Cage, entre autres, qui est un film de Uli Edel, que je ne connaissais pas. C'est disponible en Blu-ray et DVD, bien sûr. Et ça raconte l'histoire d'un professeur new-yorkais qui traque le fantôme qui a kidnappé son fils des années auparavant pendant la soirée de l'Halloween. J'ai lu ça comme synopsis, je me suis dit « Wow, c'est assez particulier, traquer un fantôme ». Mais finalement, j'ai trouvé que le film était assez divertissant. Les premières, peut-être 20 minutes, sont non pas disparates, mais ne semblent pas nous aligner vers quelque chose. Mais par la suite, ça devient moyennement original aussi. C'est assez intéressant, c'est divertissant, je dois dire, comme film « Pay the Ghost ». C'est peut-être pas le premier choix à faire lors d'une soirée de visionnement. Je dis une soirée, ça peut être le jour aussi, là. Vous avez le droit. Mais ça peut être un choix en deuxième ou troisième position. Autre chose que j'ai écouté, ça c'est vraiment mauvais, là, c'est Infini. C'est un film de science-fiction connotation horreur de Shane Apsis qui raconte l'histoire d'une équipe de sauvetage qui est transportée à travers l'espace au 23e siècle dans une colonie minière pour trouver le seul survivant d'une catastrophe biologique. C'est très mauvais. c'est, il se passe rien, c'est très décousu, c'est un film de série B, B moins, facilement, oui, que j'ai trouvé, très ennuyant. Autre chose que j'ai écouté, c'est un film qui met en vedette Clive Owen et Morgan Freeman. Clive Owen, c'est un acteur que je trouve quand même assez bien, j'aime bien. Généralement, il y a eu des rôles qui étaient assez intéressants. Morgan Freeman, ben, je pense que son nom n'est plus à faire, bien entendu. Mais je dois vous dire que ce n'est pas parce qu'on amène des gros noms au cinéma que nécessairement c'est garant de succès ou de qualité. Parce que Last Night, qui est le film dont je vous parle, qui est un film d'action-aventure, bien sûr qui se passe au Moyen-Âge, qui est un film d'un réalisateur japonais qui s'appelle Kazuaki Kariya, que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, a réalisé un film qui pourrait être, je dirais, à cheval sur le fait d'être sur le bord de peut-être penser de l'échapper. Ben, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est divertissant. Il y a de l'action, oui, mais il n'y aurait pas fallu grand-chose de moins pour le faire tomber dans une série, je dirais, elle aussi B- peut-être, et très stéréotypée. Mais, peut-être aussi en troisième choix, Last Night pourrait vous divertir s'il n'y a rien d'autre, si vous ne trouvez rien d'autre à écouter. Une des séries que j'ai découvert sur le tard et dont je m'apprête à terminer possiblement même ce soir la première saison est Homeland, qui est une série qui a débuté en 2011 de Gideon Raff et Howard Gardner qui met en vedette Claire Danes, Mandy Patinkin et Rupert Friend. C'est une excellente série qui est très d'actualité maintenant avec tous les attentats qu'on entend parler. C'est l'histoire d'un Marines qui est récupéré 8 ans après son emprisonnement dans des camps des djihads finalement, et dont en fait ça n'était même pas le but de la mission de le récupérer. C'est un heureux hasard, oui, et il revient aux États-Unis et tout tourne autour d'une agent du FBI qui le soupçonne d'être vraiment quelqu'un qui a passé de l'autre côté et qui est un infiltré aux États-Unis. C'est vraiment très bon, c'est vraiment c'est bien fait, c'est très teaser, parce que Claire Danes qui joue l'agent comment elle s'appelle, Carrie Mathison, voilà, est très psychotique aussi en même temps, elle met beaucoup de couleurs dans la série. Et Rupert Friend qui joue le rôle du rescapé Marines, et tant qu'à lui, très déroutant. Donc, Homeland, c'est vraiment une excellente série. La 5e saison est en cours présentement, donc moi, je ne suis rendu qu'à la première, mais je suppose que les suivantes sont tout aussi bonnes. Bref, c'est une série que je vous recommande. Musicalement parlant, j'ai pas grand-chose à vous dire cette semaine parce que c'est très tranquille. Par contre, j'ai fait le test d'écouter une formation je dirais, internationale, parce qu'il s'agit d'une formation dont les membres sont issus des Pays-Bas, du Portugal et de la Suisse, qui porte le nom de Fungus. Et si vous cherchez dans le dictionnaire F-U-N-G-U-S, vous allez voir que c'est pas nécessairement un nom très intéressant, et surtout ce que ça signifie et de quoi ça a l'air. L'album est un Predatory Harvest qui est paru sur Ultimate Massacre Production. C'est du brutal death metal, mais honnêtement, c'est assez, je dirais, banal. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est du très déjà vu. Le vocal est correct, mais pas extraordinaire. Et souvent, le death metal, le vocal est très important. C'est lui qui va donner une impression de profondeur ou de grandeur. Ici, c'est assez moyen. Moi, personnellement, je vous le dis, je ne le présenterai pas à l'émission. Donc, si ça vous intéresse de découvrir Fungus et l'album Predatory Harvest, c'est disponible. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec, justement, je parlais des Pays-Bas tout à l'heure. Ben, tout à l'heure, il y a quelques instants. Ben, justement, on va aller faire un tour du côté des formations qui donnent dans des formations des Pays-Bas, qui donnent dans du métal à tendance trash, death. En fait, ce sont tous des formations des Pays-Bas, dans lesquelles on va entendre entre autres Legion of the Damned, Asphyx, mais tout de suite on débute avec Pestilence et la pièce Synthetic Grotesque. Vous êtes à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show jusqu'à 21h. Tenez-vous le portier.

vous êtes assez fait. 89. Un écrivain reste dans le temps m'a dit que t'as un petit quelque chose. C'est pas assez. Retrouvez les pièces les plus jouées de la semaine, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les palmarès C'est fou, les mardis de 15h à 18h sur C'est fou 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fait. 20h26, et effectivement, vous êtes à l'écoute de l'émission de Michel Jasmin de fin de soirée. Pas du tout. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show avec moi-même, le Dr. Pain Pendragon, et encore pour, ma foi, 34 minutes, 34 bonnes minutes. Avant cette pause publicitaire, on a entendu la formation des Pays-Bas. En fait, les quatre formations étaient des Pays-Bas. God the Throne et la pièce Under the Sign of the Iron Cross. Et la pièce titre de cet album paru en 2010 sur Metal Blade. Formation qu'on a eu le loisir de voir l'an dernier au Trois-Rivières Metal Fest. Juste avant, nous avions Legend of the Damned et la pièce Repossessed qui tirait de Descent into Chaos paru en 2011 sur Massacre Records. Asphyx. Formation qui existe depuis, ma foi, fort longtemps, soit 1987, et qui met en scène le vocal de Martin Van Drunen, qui est un des vocalistes métal qui fait partie de mes préférés. La pièce Scorbutex s'est tirée de Death the Brutal Way, pardon, qui est paru en 2009 sur Century Media. Nous avons ouvert avec Pestilence. La pièce Synthetic Grotesque, c'est tiré de l'album Resurrection Macabre, peu importe, en 2009 sur Mascot Records. Je vous invite plutôt ce vendredi dès 11h à C'est fou pour une autre édition de Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Le Rockmaster et moi allons faire cette semaine le deuxième et dernier segment de ce spécial Mois des Morts. On va entendre des formations qui ont tous des pièces qui parlent du trépas, bien entendu. Et aussi, le Rockmaster vous présentera pas seulement un ni deux, mais bien trois albums vinyles classiques qui rendront hommage à de grands musiciens malheureusement disparus, entre autres Having a Rave Up des Yardbirds, avoir A Night of the Opera de Queen et Ace of Spades de Motorhead, qui sont respectivement sortis il y a 50 et 40 ans ce mois-ci. Donc, en plus des élucubrations du Rockmaster, qui est de plus en plus incohérent, je dois dire. Une chance que je suis là pour ramener tout ça, là. La chronique des groupes obscurs, bien entendu. Il va y avoir aussi « Ça passe ou ça casse », bien entendu. Il va y avoir aussi la merveilleuse et tout à fait scientifique capsule « La faune chez les amateurs de rock ». Bref, une émission qui va être pleine de rebondissements pour les vrais amateurs de vrai rock ce vendredi 27 novembre à compter de 11h. Et tant qu'à moi, la semaine prochaine, je vais faire un Rockmaster de moi-même parce que je ne présenterai pas non pas un, mais bien deux spéciaux à réanimation, soit un de la formation canadienne, initialement montréalaise, maintenant je dirais plus de l'Ouest canadien pour le moins, Aggression, et ainsi que Dayside. Je crois que nous allons nous attaquer à ce deuxième segment de la formation Fear Factory. Ce deuxième spécial, trois pièces retenues des 8e, 9e et 10e albums respectivement, soit Mechanize, The Industrialist et le plus récent paru cet été, Genexus, qui est selon moi un très très bon album. Je vous propose d'aller écouter ces trois pièces et débutons avec la pièce titre de cet album de 2010, soit Mechanize. Go ahead. 20h44, l'émission tire à sa fin. On vient d'entendre la formation Fear Factory, sa deuxième partie de ce spécial. À l'instant, nous avions la pièce d'ouverture de ce dernier album, Genexus, qui était le 10e, soit Autonomous Combat System, paru sur l'étiquette Nuclear Blast. C'est un de mes highlights de l'été au niveau du métal. Nous avions un Recharger. Cette pièce est tirée de The Industrialist, qui est paru en 2012. C'était le 9e album studio de Fear Factory. Et nous avons ouvert sa deuxième partie avec la pièce titre, cet album Mechanize, qui est paru en 2010, sur Candlelight, qui était le 8e album de la formation américaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, j'aurai non pas un, mais bien deux spéciaux à vous présenter, soit un de la formation canadienne Aggression et aussi la formation américaine Decide. Donc, ça devrait plaire à plusieurs d'entre vous, du moins j'ose espérer, puis c'est pas le cas, ben, je m'en sacre pas mal. Restez des nôtres, parce que dès 21h, les mardis à tendance métallique qui se poursuivent avec l'émission Matière Noire, avec Alexandre et Samuel. Ben, du moins, je crois que les deux vont être là. Il y en aura sûrement un des deux. Je m'avance pas trop, là. D'une semaine à l'autre, là, ils sont là, mais des fois, il peut arriver un imprévu, voilà. Et je vous rappelle encore une fois que ce vendredi, si même assez fou, dès 11h, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock en compagnie de mon bon ami le Rockmaster et de moi-même, bien sûr, votre bon docteur Pendragon, seront la deuxième partie et dernière partie de ce spécial Mois des morts à Rock Classique, puisque c'est aussi six réanimations cette semaine. Ce soir, c'est la dernière émission du mois de novembre. Eh bien, pour Rock Classique, c'est la même chose. C'est la dernière émission du mois de novembre. Donc, c'est la deuxième partie, dernière de ce spécial Mois des morts avec, évidemment, tout au long de l'émission, nous allons voir des groupes qui vous interpréteront de belles chansonnettes et qui ont rapport, bien entendu, avec le trépas ou les trépassés, si vous préférez. En plus des chroniques habituelles, les albums classiques, 3 cette semaine, album obscur, groupe obscur, ainsi que les chroniques Ça passe ou ça casse, et bien sûr la fonte chez les amateurs de rock. J'ai vraiment hâte. Sans plus attendre, nous allons aller musicalement vers une formation qui, ma foi, je suis passé à côté de leur nouvel album qui est paru. C'est incroyable, mois de juin-ci, soit la formation Shape of Despair. J'ai oublié d'aller écouter cet album, mais je vais m'empresser de le faire et de corriger le tir, parce qu'éventuellement, il va faire office de certainement une incursion ici à Réanimation. Formation qui vient d'Helsinki en Finlande. Je vous propose une pièce qui est tirée de leur... Ben, en fait, ce qu'il faut savoir avec eux, c'est que le dernier album studio complet était enregistré en 2004, c'était Illusion's Play. Donc, ça fait presque 11 ans que Shape of Despair, qui donne dans une espèce de atmospheric funeral doom metal, si on veut, oui. Peut-être à tendance quelque peu gothique, mais pas trop à l'occasion. Donc, ça faisait 11 ans que la formation n'avait rien fait de matériel original. Donc, je vais devoir m'empresser de corriger le tir et de remédier à ça. Moi, je vous propose d'aller écouter une pièce, la pièce d'ouverture de leur compilation de 2005. Qui porte le titre très original de Shape of Despair, la longue pièce de 8 minutes 35 qui s'intitule Sleeping Murderer. Go! Shape of Despair et la pièce Sleeping Murder. C'est la pièce d'ouverture de cette compilation qui s'appelle de façon très originale Shape of Despair, qui est paru en 2005. À peine le temps de vous présenter une portion d'une pièce de Celtic Frost qui s'appelle Return to the Eve, qui est tirée de Morbid Tales, paru en 1984, et de céder l'antenne à mon ami Alex et Matière Noire. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, même bat-chaîne, et d'ici là, bien entendu, voici ma prescription, allez tous vous faire foutre. Ciao, see you.